Laissez-moi travailler. J'en ai plein le cul de vous. On travaille à plusieurs. Tu m'emmerdes. On travaille à plusieurs. Je t'en prie. Pas monter, hein. Écoute-moi bien, Jean. Tu me fais chier. Je viens te dire que c'est ok. Chef, m'emmerde pas. Je viens te dire que c'est ok. Moi, ça m'emmerdait, hein. Bon, vérifiez le micro. Arrêtez le bruit. Arrêtez le retour. Mais parce que l'Europe avant, de votre temps, c'était mieux. Ne me faites pas passer pour plus vieux que je suis, mon petit bonhomme. Enfin, le rock, c'est un monde à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. T'as pas de famille, t'as même pas de père. Ça se trouve, t'en as jamais eu. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Le Stone Rock Show, l'émission d'Olive sur Stone Rock Radio. Sur Stone Rock Radio. Salut, bienvenue dans le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Je suis Olive, votre animateur dévoué et passionné de tout ce qui touche au rock, qu'il soit classique, alternatif, metal ou punk. Ici, on ne fait pas dans la dentelle, on envoie du son sans concession, avec des riffs qui font trembler les murs et des solos qui vous donnent des frissons. J'ai la lourde tâche de remplacer Gian ce soir qui est parti à un concert. Il m'a laissé les clés de son vaisseau et franchement, il n'a pas peur. Je vous emmène pour un voyage à travers les générations avec des groupes mythiques, mais aussi les nouveaux venus dans le monde du rock. Vous êtes prêts à vous déchaîner? Alors montez le son, ouvrez les fenêtres et laissez-vous emporter par le Stone Rock Show. Et on commence avec Saints, chanson du groupe américain de rock alternatif The Breeders, sorti en 1993 sur leur album Last Splash. La chanson est un morceau de rock énergique avec des guitares abrasives et une rythmique rapide. Les paroles, écrites par la chanteuse principale Kim Deal, évoquent des thèmes de dévotion et de sacrifice. Et on enchaînera avec Lady Killers, chanson du groupe anglais Lush, sortie en single en 1996 et incluse sur leur album Love Life. La chanson est un mélange de pop et de rock alternatif avec des guitares jangly et une mélodie accrocheuse. Les harmonies vocales entre les chanteuses Mickey Berei et Emma Anderson sont également un élément clé de la chanson. Ce soir, on n'est pas là pour rigoler, on va vous faire bouger comme jamais sur Stone Rock Radio. Sober is ready when you are.

C'était Incinerate, chanson du groupe américain Sonic Youth, sortie en 2006 sur leur album Rather Rapid. La chanson est un mélange de rock alternatif et de shoegaz, avec des guitares fuzz et un rythme entraînant. La voix du chanteur et guitariste Thurston Moore est mise en avant dans la chanson, avec un refrain accrocheur et facile à retenir. On va enchaîner avec Debaser, chanson du groupe de rock américain Pixies, sorti en 1989 sur leur album Dolittle. La chanson est considérée comme l'un des classiques du groupe, avec un son qui mélange rock alternatif, punk et surf rock. La voix du chanteur et guitariste Black Francis est mise en avant, avec un refrain accrocheur et facile à retenir. Et suivi de Not Too Soon, chanson du groupe américain Swirling Muses, sorti en single en 1991 et incluse sur leur album The Real Ramona. La chanson est un mélange de rock alternatif et de post-punk, avec des guitares jangly et une mélodie accrocheuse. La voix de la chanteuse et guitariste Christine Hersh est mise en avant, avec des harmonies vocales ajoutant de la profondeur à la chanson. Vous en avez marre des chansons préformatées de la radio ? Nous aussi, on va vous faire découvrir des groupes qui ont du caractère, du rock qui a de la personnalité. Welcome to the Stone Rock Show. Nadine Mouk, Nadine Babek. She said, my wife. Le Stone Rock Show, l'émission d'Olive sur Stone Rock Radio. Venez d'écouter le groupe Ciel et le titre Don't You Know. Je vais te passer maintenant mon coup de cœur 2022, le groupe Fontaine DC et le titre Skintifia, extrait de l'album du même nom, ainsi que The Rat, chanson du groupe américain The Walkmen, sorti en 2004 sur leur album Bows and Arrows. La chanson est devenue l'un des titres les plus populaires de The Walkmen grâce à son rythme rapide, à son son accrocheur et à son riff de guitare puissant. La voix du chanteur Hamilton Lighthouser est mise en avant avec des paroles qui traitent de la fin de la relation amoureuse et de la colère qui en découle. Et juste après, je vous annonce la première bonne nouvelle de la soirée. Si vous cherchez des chansons qui sortent des sentiers battus, du rock qui se démarque de la masse, vous êtes au bon endroit. Le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Thank you. God, that jealous joy. I probably am that soy. I see you 20 Marys later when your tongue is talking straighter. You took a mile down to the mercenary bar. I heard she broke up with a fella that was drinking in his cat. Nah, I'm not inclined towards a scandalous word, but on the subject of myself, I do believe what I heard. There is a track beneath the wheel and a spencery toy. She says I don't agree with nothing, I say neither do I. Gotta sleep, there's not a thing can't be fixed with a dream. And we can talk about it later, you can read it in the paper. I betcha, you had your smile. You had your smile for the open mile. I betcha, you had your smile. Your face lit fire for the open mile. I betcha, I betcha, I bet you now. I betcha, I betcha, I bet you now. I bet you, I bet you, I bet you now. C'est quoi ce bordel? le Stone Rock Show, du rock et rien d'autre. C'était les Afghan Whigs et le titre I Make You See God, sorti en 1990 sur leur album Up In It. La chanson est un mélange de grunge, de rock alternative et de soul, avec des riffs de guitare abrasifs et des paroles sombres et énigmatiques. La voix du chanteur Greg Dooley oscille entre des moments de rage intense et de la mélancolie désespérée. Allez, première bonne nouvelle de la soirée, on vous l'a annoncé sur les réseaux sociaux en début du mois d'avril. Stone Rock Radio continuera d'émettre la saison prochaine à partir de septembre 2023 pour une cinquième saison. Après de très longues discussions avec le staff, on a donc décidé de continuer l'aventure Stone Rock et de vous diffuser le meilleur du rock. Il y aura sûrement quelques changements dans la grille de programme, dont une que je vous annoncerai un peu plus tard. On vous tiendra au courant au fur et à mesure sur notre page Facebook. Alors, heureux ? On va maintenant écouter Little Fingers, chanson du groupe rock irlandais Prince, sortie en single en 2021. La chanson est un morceau de rock énergique avec des guitares acérées et une rythmique insistante. Les paroles explorent des thèmes de frustration, de colère et de désir. Et on enchaînera avec le titre Endgame du groupe irlandais The Clockworks. Ici, on ne suit pas les tendances musicales, on les crée. Le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio, c'est la vitrine des nouveaux talents du rock alternatif. Music with nothing to say plays on the radio. Now he's picking a pocket, forcing me to cause a scene. All words are ineffective, a memory selective. Yeah, the proof is in my pushings, you've crumbled to perspective. I think too much about everything. Am I losing touch of this game I'm in? I know I think too much about. I'm losing touch. Le Stone Rock Show, l'émission qui fait gueuler les voisins. Friends without names. C'était le groupe Life et Friends Without Names dans le Stone Rock Show. Chanson sortie en 2019 sur leur album A Picture of Good Earth. La chanson est un morceau de rock énergique avec des guitares rugueuses et une rythmique soutenue. Les paroles explorent les thèmes de l'aliénation sociale et de l'isolement, avec des paroles qui expriment un sentiment de déconnexion avec les autres. Je vais maintenant te passer Personality Disorder, chanson du groupe de rock britannique Shred, sortie en 2003 sur leur album A New Morning. La chanson est un morceau de rock alternatif avec des guitares énergiques et une rythmique rapide. Les paroles explorent des thèmes de la maladie mentale et des troubles de la personnalité. Suivi de Idols et le titre Damaged Goods, qui est en fait une reprise d'une chanson originale du groupe britannique de post-punk Gang of Four, sortie en 1978 sur leur album Entertainment. La version d'Idol conserve l'énergie et l'agressivité de l'original, tout en ajoutant leur propre sensibilité punk rock moderne. Les paroles, bien que légèrement modifiées, reflètent toujours des thèmes sociaux et politiques de l'original, notamment la critique du consumérisme et de la société de consommation. Vous voulez du rock? Vous allez en avoir. On est là pour vous faire vibrer sur Stone Rock Radio. Yeah. malades. Des malades. C'est des malades. Rock Show, l'émission d'Olive sur Stone Rock Radio. Venez d'écouter le groupe Zeus Love et le titre Inamoretto. J'espère que vous passez une bonne soirée. Vous écoutez le Stone Rock Show, l'émission qui fait du bien aux oreilles et à l'âme. Si vous êtes fan de guitare saturée, de riffs puissants et de voix éraillées, vous êtes au bon endroit. Allez, on enchaîne avec The Fun House, chanson du groupe rock alternatif canadien Francis of Delirium. Elle est publiée en 2020 et est extraite de leur première EP All Change. La chanson est énergique et puissante avec des guitares saturées et une voix expressive qui exprime la douleur et la confusion. Les paroles parlent de la difficulté de se sentir accepté et de trouver sa place dans le monde, avec des images d'un parc d'attractions qui représentent la complexité et la confusion de la vie. Et je te passerai ensuite Dead Horse, chanson du groupe de post-punk britannique Yard Act. Elle est publiée en 2021 en tant que single et apparue sur leur premier album The Overload, sorti la même année. La chanson est animée par un rythme accrocheur et un riff de guitare répétitif, tandis que les paroles racontent l'histoire d'une personne qui est coincée dans une situation insatisfaisante et qui continue à essayer malgré tout. Les paroles sont pleines de références à la vie quotidienne et à la culture populaire et sont livrées à un humour subtil. Pas besoin de se prendre au sérieux ce soir, Stone Rock Radio vous offre une soirée de rock décalé et festif. Oh my gosh. What do I do? Bastion of hope, this once great nation I left is its humour. So be it, through continued mockery, this crackpot country are full of cunts. We'll finally have the last laugh when dragged underwater by the waves of the tumour it formed, and when it fell for the fear-mongering of the National Front's new hairdo. So then what becomes of the inhabitants of this once unstoppable isle, when all of its exports are no longer in style? Are you seriously still trying to kid me that all culture will be just fine, when all we've left is knobheads Morris dancing to Sham 69? Go on the ragman or rally around the maypole, hijack the sound and state your claim to it. Every card played is a statement made, and there's always a new scapegoat to blame for it. England, my heart bleeds, why have you abandoned me? Yes, I abandoned you too, but we both know I wasn't the one lied to, and I'm not scared of people who don't look like me, unlike you. Cease to find by its own stupidity, not realizing it's already sentenced itself completely to death. The last bastion of hope this once great nation had left was good music, but we didn't nurture it, instead choosing to ignore it. Yes, we've been trapped by the same crowd that don't like it, unless they've heard it before, leaving me stuck flogging my progressive dead horse south of the border to the so-so and so's and through and throughs and this and that and buttered bread. I'm proud of it, whose values flit whenever it fucking suits them. And we're supposed to let it slide because the press has normalised the idea that racism is something we should humour. Yeah, the last bastion of hope this one straight nation had left is to converse in a manner that will pacify, divide and unite the room. But no one's talking, rational thought has been forced into submission by the media through which all of our information is now consumed. Yes, fake news. It's fake news, mate. Politics and its idiocy, surbound by its own stupidity, it does not realize it has already sentenced itself completely to death. So politics and its idiocy, surbound by its own stupidity, it does not realize it has already sentenced itself completely to death. So politics and its idiocy, surbound by its own stupidity, it does not realize it has already sentenced itself completely to death. Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. The back of my head, the back of my hands, I threw it away before it went bad. As good as it looks, worse than it seems. Drove home in a daze. You're all that I need. The top of my lungs, the top of my voice. You're all that I want. You're all that I want. I pulled it apart. Sick of the seams, hot day in August. You're all that I need. The back of my head, the back of my hands. I threw it away before it went bad. Mm-hmm. C'était The Rip, chanson du groupe de rock indépendant britannique Porridge Radio. Elle a été publiée en 2020 sur leur deuxième album studio Every Bad. La chanson est lente et mélancolique, avec une instrumentation minimaliste qui met en valeur la voix émotionnelle de la chanteuse Dana Margolin. Les paroles parlent d'une relation qui se désagrège, avec des images poétiques de la nature qui représentent la tristesse et la perte. La chanson a été saluée par la critique pour sa beauté simple et sa capacité à transmettre des émotions complexes de manière concise. Allez, on continue cette émission avec Tip City, chanson du groupe de rock américain The Amps, qui est le projet parallèle de Kim Deal, membre fondatrice des Pixies. La chanson est sortie en 1995 en tant que single et a également été incluse dans l'unique album studio du groupe Pacer, sorti la même année. Tip City est une chanson de rock énergique avec une instrumentation abrasive et une voix de Kim Deal qui alterne entre les murmures doux et les cris énergiques. Les paroles sont assez obscures mais semblent traiter de l'angoisse et de la confusion de la vie quotidienne avec des images poétiques qui évoquent des souvenirs et des émotions complexes. Et on enchaînera avec All These Things, chanson du groupe de rock néo-zélandais The Mysterines, sorti en 2021 en tant que single. Le groupe a été fondé en 2016 et est connu pour son mélange de garage rock, de punk rock et de blues rock. All These Things suit cette même veine avec une instrumentation puissante et énergique et une voix de la chanteuse Lia Metcalf qui oscille entre le chant et les cris. Les paroles parlent de la pression sociale et de l'anxiété avec des images fortes de solitude et de désespoir. Et juste après cette série, je t'annonce une autre bonne nouvelle. C'est cadeau. C'est l'heure de secouer la poussière et de faire du bruit. Le Stone Rock Show vous apporte la bande son parfaite pour ça. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Gueuler chez gueuler, hein? C'est pas un problème, hein? I wanna feel like I did. Le Stone Rock Show avec Olivier. Venez d'écouter In The Stone, chanson du groupe australien de rock indépendant The Goonsacks, sortie en 2021 sur leur troisième album studio Mirror 2. La chanson est un mélange de pop-rock et de post-punk avec une instrumentation vive et énergique qui met en valeur la voix de la chanteuse Louise Foster. Les paroles abordent des thèmes de vulnérabilité et d'introspection avec une réflexion sur l'importance de rester connecté aux autres et à soi-même malgré les défis de la vie. Allez, deuxième good news de la soirée. Le Stone Rock Show sera de retour en septembre 2023 sur Stone Rock Radio. Mais attention, changement de jour et d'horaire. Je serai présent les 2e et 4e vendredis du mois vers 21h en alternance avec l'ami Gian qui lui animera totalement rock les 1er et 3e vendredis. Pour l'instant, rien de concret sur le format, mais je pense partir sur celui-ci que je vous propose ce soir, ça devrait le faire. Allez, place à la bonne musique avec Waiting Room, chanson du groupe de post-hardcore américain Fugazi, sorti en 1988 sur leur premier album éponyme. La chanson est l'un des morceaux les plus célèbres du groupe et est devenue un classique du genre. Elle est caractérisée par son rythme de batterie incessant, son riff de guitare accrocheur et son chant parlé-crié caractéristique de Ian McKay. Les paroles sont inspirées de l'expérience de McKay lors d'une visite chez le médecin, où il a observé les gens attendant leur tour dans une salle d'attente et a réfléchi à la nature de l'attente et de l'impatience dans la société moderne. Je te passerai ensuite Formidable Cool, chanson du groupe britannique Wolf Alice, sortie en 2017 sur leur deuxième album studio Vision of a Life. La chanson est un mélange de rock alternative et de shoegaze, avec des guitares distordues et une ambiance sombre et atmosphérique. Les paroles abordent des thèmes de désillusion et de déception face à la réalité de la vie adulte, avec une exploration de la pression sociale et de la difficulté à trouver sa place dans le monde. Le rock n'est pas une musique, c'est un état d'esprit. Et sur Stone Rock Radio, on le vit à 100%. Drogue. We'll be right back. Stone Rock Show, du rock et rien d'autre. I'm sad, I'm 23. I've not learned my lesson, I'm not any different. My head is killing me. From all my self-doubting, there's no friends around me. You're not who I wanted to see. I wish I had your face and your fucking personality. Everybody hates me. I'm boring and unhappy. I really like affection. I'm jealous and controlling. Everybody hates me. I always close the doors. The ones that you open, I build walls around them. I'm numb inside. You think I'm the problem, I think you might be right. Everybody hates me. I'm boring and unhappy. I really lack affection. I'm jealous and controlling. Everybody hates me. I'm boring and unhappy. I really lack affection. I'm jealous and controlling. C'était Everybody Hates Me, chanson du groupe Coach Party sortie en 2020. C'est une chanson de rock indépendant avec une ambiance à la fois joyeuse et un peu sarcastique. Les paroles évoquent le sentiment d'être mal aimé ou rejeté, mais le ton léger et enjoué de la musique crée une contradiction amusante. Groupe que j'ai découvert grâce à mon pote Nicolas Serkis. Nico, si tu m'écoutes, je t'embrasse très fort. Allez, série suivante avec R&B, chanson du groupe indie rock anglais English Teacher, sortie en 2020. La chanson a une ambiance énergique et une mélodie accrocheuse avec des paroles qui explorent les thèmes de la confusion et de la frustration de la vie quotidienne. La chanteuse Lily Fontaine décrit son expérience de se sentir coincée dans une ville ennuyeuse et de ne pas savoir comment s'échapper à cette situation. Et juste après, on enchaînera avec City We Call Love. Chanson du groupe rock britannique The Blinders, sortie en 2018. La chanson est extraite de leur premier album studio Columbia. Elle est caractérisée par une énergie punk rock avec des guitares bruyantes et une rythmique rapide et entraînant. Les paroles de la chanson reflètent de la réalité de la vie urbaine avec une description de la vie dans une ville chaotique, bruyante et effrayante. Les paroles dépeignent une ville où les gens sont pris dans le tourbillon de la vie, cherchant l'argent et le pouvoir, mais au final, ils se sentent vides et sans but. Vous êtes accro au rock ? On est là pour vous faire plaisir sur Stone Rock Radio. I've been making me a coffee while you scream about to sleep, and I'm so Tonight we plant the flag. Le Stone Rock Show, l'émission qui fait gueuler les voisins. Que ça fait du bien, un bon Gun Club dans le Stone Rock Show. C'était She's Like Heroin to Me, sorti en 1981 sur leur premier album Fire of Love. La chanson est un exemple de blues rock avec des influences de rockabilly et de punk rock. Elle est caractérisée par des riffs de guitare puissants, des paroles poétiques et sombres. Les paroles décrivent une femme qui est comme une drogue pour le chanteur, lui donnant à la fois du plaisir et de la douleur. Allez, dernière série avant de rendre les clés du vaisseau à mon ami Jan. On va écouter Blue Bones, chanson de l'artiste britannique Billy No Mates, sortie en 2020 sur son premier album éponyme. La chanson est une ballade sombre et mélancolique, caractérisée par la voix expressive et émotionnelle de Billy No Mates et sa capacité à créer une ambiance intense à travers des paroles poétiques. Les paroles évoquent la solitude et la douleur. Et je te passerai pour finir cette émission Scorpio Rising, chanson du groupe britannique Death in Vegas, sortie en 2002 sur leur troisième album éponyme. La chanson est caractérisée par une ambiance électronique sombre et hypnotique, avec des boucles de batterie de basse répétitives et des nappes de synthétiseurs planantes. La voix de l'invité vocal Liam Gallagher du groupe Oasis apporte une énergie supplémentaire à la chanson, avec des paroles évoquant l'obscurité, la violence et la sexualité. Suivi de Only Dream, chanson du groupe indie rock High School, originaire de Los Angeles en Californie. La chanson est sortie en 2014 sur leur premier album éponyme. Only a Dream est une ballade éthérée et mélancolique, caractérisée par une guitare acoustique douce et un chant aérien. Les paroles parlent d'une personne qui rêve d'un amour perdu et qui se demande si cet amour n'était qu'un rêve. Le rock n'a pas d'âge sur Stone Rock Radio, on vous fait voyager dans le temps avec les meilleurs titres de toutes les époques. If you wanna die, then do it, you don't need my permission. You're such an iffy ambition. It's got the better of you. If you really wanna go, then I don't think you should stay here. It's been a pleasure to lay here. Just don't turn me on like you used to. death wish too. I'm already late to be so destitute. Not saying I'd save you. Love's hollow for the brave few. And maybe we were born. Tiens, prends ça dans ta gueule. C'est un venin intersidéral qui te transformera en poudre thermospasmique et qui te fera des taches sur les habits que même Skip Machine ne pourra pas les enlever. When you kiss the base of my spine, make my body into your shrine. You're giving this feeling deep inside, one that I can no longer disguise. While other snakes just shed their skins, fuck tones falling at my sins. Even though I realize that history's not on my side, even though I realize the pioneer skin still kills up in my eyes. If I don't go crazy, I'll lose my mind. I saw a life before. Step out of the shadows. A drugged up heart that knows no sorrow. Rescue from this deep dark hollow. Stick on these boots and sharpen the nails. Time is not for your leather girls. Maybe we should end this race. Vanish while we can and leave no trace. If I don't Le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Cœur fou, c'est déjà l'heure de se dire au revoir pour ce soir sur Stone Rock Radio. J'espère que vous avez kiffé cette soirée de rock sans compromis et que vous avez pris votre dose de riffs électrisants et de solos enflammés. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission déjantée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dose de folie rock and roll. Et attention, attention mesdames et messieurs, la semaine prochaine c'est le grand retour de Gian, votre animateur préféré, qui va revenir mettre le feu avec Totalement Rock. Vous allez voir, il nous réserve des surprises de folie pour une soirée de rock qui va envoyer du lourd. Rendez-vous donc vendredi prochain vers 21h pour le grand retour de Gian sur Stone Rock Radio. Et pour ma part je vous donne rendez-vous mercredi vers 22h, juste après Tom et son Dirty Rock Party Show, pour un nouveau Stone Rock Show spécial rock sur les radios british en 1978. En attendant, continuez à rocker comme des fous et à faire du bruit. Sur ce, bonne soirée à tous et la semaine prochaine sur Stone Rock Radio. Rock on! Arrêtez le bruit! Arrêtez le retour! Mais parce que le rock avant, de votre temps, c'était mieux. Non, ne me faites pas passer pour plus vieux que je suis, mon petit madame. Le rock, c'est un monde à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. T'as pas de famille, t'as même pas de père. Ça se trouve, t'en as jamais eu. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Le Stone Rock Show, l'émission d'Olive sur Stone Rock Radio. We'll be right back. Stone Rock Show sur Stone Rock Radio.